On est avec Real C et DJ Dirty pour une interview par-delà l'Atlantique. Messieurs, vous débarquez sur le net en 2013 avec un projet massif d'Awick, album créole hip-hop avec 60 artistes, 4 volumes prévus en un an. 15 ans auparavant, vous sortiez déjà d'Awick. Quel a été l'impact de la première édition pour ceux qui ne connaissent pas ? L'impact du premier album d'Awick, Tomahawk, on a eu de super retours à l'époque dans la presse française, notamment dans RER, Groove, Téléstar, différents magazines spécialisés de l'époque. On a surpris beaucoup aussi dans le rap, dans le milieu du rap français. Et aux Antilles, on a eu un single qui a pas mal cartonné sur les ondes. C'était le titre Condé Boss avec les rappeurs Keno et Skiz. Donc c'était plutôt positif et c'était l'aventure qui commençait, quoi. 15 ans sont donc passés, toujours la même motivation pour défendre le hip-hop créole. Quelles sont les différences dans la manière d'aborder le projet aujourd'hui ? La manière d'aborder le projet aujourd'hui, bon, ça a été la même. En fait, je voulais travailler avec les gens avec qui j'avais déjà travaillé. Mais effectivement, il y avait quelque chose qu'on ne savait pas nous, c'était l'impact chez les hip-hoppers même, chez les rappeurs créoles de Dawick, puisqu'en fait, ça a été la première compilation de rappeurs créoles. Et donc, en fait, ça a fait son petit chemin dans le milieu. Et les gens connaissaient, et d'où l'impact et le nombre aujourd'hui de MC qui assure Dawick. Alors Real C, en 2013, donc vous arrivez avec ce projet Dawick en 4 volumes, le premier volume étant déjà disponible. Mais est-ce que tu peux retracer un peu votre historique, notamment avec Yardi Squad, un peu tous les projets sur lesquels vous avez travaillé? Yardi Squad, c'est un label qu'on a monté en 1993. Et en 1997, on a commencé à sortir un vrai album, vraiment quelque chose dans le commerce qui a été signé chez Déclic. C'était l'album Ixtase. C'était un album de Zouk mélangé avec du rap. En fait, on était avec différents producteurs de Zouk. Et nous, le Yardi Squad, on emmenait la touche hip-hop, la touche rap. Et nous avons donc produit l'album à l'époque. D'où sont sortis les artistes Keisha, Mike, Organize, par exemple, que vous pouviez retrouver d'ailleurs sur le titre Tour, avec Rokenza, Marie-Lou Coupen. Voilà, c'est un titre qui a pas mal fonctionné. Ensuite, on a produit l'album de Tamara. C'était un album R&B, chanteuse Sainte-Lucienne. On a donc enchaîné avec Dawick. Et nous avons sorti par la suite l'album The Creole Project avec Rokenza et Skiz. Ça, c'était un album qui a pas mal fonctionné aux Antilles, surtout en Guadeloupe. En Martinique, ça a été pas mal boycotté par les télés, puisqu'à l'époque, nous avions 6 clips vidéo et aucun n'a été diffusé en télé. C'est un peu le problème d'ailleurs du mouvement rap créole, qui a des difficultés à s'imposer en fait sur la Martinique et la Guadeloupe. Ensuite, on a sorti l'album More Love, qui était un album plutôt zouk swing aussi, mélangé avec des artistes différents. On aime bien les compiles, nous, chez nous. On a sorti l'album solo de Washista, Caméléon. On a enchaîné derrière avec la compilation Yenda, qui est une compilation aussi d'artistes, plutôt dans le type musique urbaine. On a travaillé aussi en partenariat avec le label Corosol Music, sur l'album de Doré. C'est un artiste plutôt world music. Ça a été une autre expérience, c'était vraiment bien à vivre. On a sorti l'album de Skiz, le nouvel album, Tropical Show. Le nouvel album, en tout cas street album de Rokenza, Tactical Harry, volume 1. Et nous ressortons actuellement le nouveau Dawick, qui est établi sur 4 volumes, les 4 éléments. Les 4 éléments du hip-hop, le graph, le DJing et la music, beatmaking, la danse et le MC. Mais qui sont aussi basés sur les éléments de la vie, comme l'air, l'eau, la terre et le feu. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment vous avez fait pour réunir 60 artistes sur ce projet ? La manière de réunir 60 artistes, j'en connaissais déjà beaucoup. Moi, j'avais travaillé déjà avec pas mal d'artistes. J'avais travaillé avec une trentaine, on va dire, déjà, dans différents projets, hein, sur Dawick notamment, sur des albums solo des artistes. Et puis, aujourd'hui, il y a quand même plus de facilité avec les réseaux sociaux pour se contacter. Donc les MC font le travail entre eux. Donc certains m'ont contacté, j'en ai découvert sur YouTube et on arrive au résultat de 60 artistes. Mais il faut savoir qu'en Martinique, par exemple, il n'existe pas beaucoup de labels de production, voire plus en fait. Hein. Je crois que le métier s'est un peu écroulé suite à des décès de personnes ou des activités qui se sont arrêtées. Et du coup, effectivement, les MC se retrouvent seuls. Et donc, tiens, un label qui propose un projet, je pense qu'effectivement, ça intéresse toujours de poser pour se faire connaître. Et dès le début, tu savais que tu allais faire 4 volumes ? Non, je savais pas en fait qu'on allait faire 4 volumes. Il en existe d'ailleurs 2 autres qui vont suivre derrière. Un qui s'appellera Le Cinquième Élément, qui est plutôt basé sur la soul, R&B et Zouk Song. Et l'autre qui s'appellera Réactif, qui sera mélangé, je pense, beaucoup avec l'école dancehall. Alors, à l'écoute du premier volume, on voit que le projet est très orienté hip-hop dans les thématiques, avec une couleur musicale années 90, et aussi le concept des 4 éléments, le graph, le DJing, le MCing, comme tu nous disais tout à l'heure. Je voulais savoir à qui s'adresse le projet et quel retour vous en avez. C'est vrai que le projet, il a tendance à sonner 90, mais là tu me fais plutôt plaisir quand tu me dis ça. Parce que personnellement je trouve que la musique s'est affaiblie et appauvrie. Disons qu'aujourd'hui il est préférable de regarder la musique que l'écouter. Il vaut mieux voir, je trouve que la qualité de l'image est plus belle que ce qu'on entend en général. Nous, si tu veux, on a continué dans notre logique, tu vois. On a continué dans la musique qu'on sait faire. On a continué dans la vibe qu'on avait envie de donner aux gens. Tu me considères dans la mode ou pas, ça on s'en fout. On est indépendant, on fait ce qu'on veut. Rilsi, tu es le beatmaker des 4 volumes et le premier volume est déjà bien chargé en production. Ça fait beaucoup de travail pour le producteur, le beatmaker. Je voulais savoir comment s'est passé le choix des beats pour les différents artistes. Ouais, c'est vrai, ça fait beaucoup de travail. Sur 60 MC, j'ai envoyé au moins 120 instrus. La manière dont j'ai travaillé pour sélectionner les instrus, j'ai regardé en fait la personnalité de chaque MC et essayer de coller en fait avec leur univers. Donc ça a marché sur, on va dire, 55 MC, puis t'en as 5 où ça a été un peu plus dur parce que j'avais jamais travaillé avec eux. Et c'était pour coller le plus à l'artiste sur la compile, quoi. Et aussi, est-ce que tu peux nous commenter le côté très carré des prods, et est-ce que les prochains auront cette même couleur ? Merci pour le côté carré des prods. Les prochains albums seront-ils dans le même esprit ? Ouais, je pense, ouais. C'est-à-dire, en tout cas, on donne toujours 100% de nous-mêmes et on se donne à fond pour que le travail soit efficace. Si tu considères Carré comme pro, alors oui, ça sera dans le même esprit. Et peux-tu nous dire un peu comment tu as démarré la production, avec qui tu as fait tes premières armes et quelles sont tes influences ? Mon premier travail, ça a été pour des artistes guadeloupéens qui s'appellent Jack and Pat, ce sont des comiques. Voilà, ça a été le premier projet sur lequel j'ai travaillé. Mes références en termes d'universalité sera Bob Marley. En tant que musique beatmaking, justement pour moi, pour mon école, ce serait plus Eric Sermon ou Dr. Dre, DJ Scratch. Et mon style, comment je le décrirais, adapté au MC. J'essaie toujours d'aller dans le sens du MC, en gardant effectivement ma vibe à moi, ce que je ressens, quoi. Alors, si Rilsi est le beatmaker derrière ce projet d'Awick, il y a aussi un DJ, Dirty. Alors, Dirty, tu es également distributeur de disques hip-hop créole via Diaspora Distribution. Je sais qu'il y a une volonté de réunir un peu tous les acteurs du mouvement, d'où le grand nombre de MC présents de toutes les îles, les différents pays créolophones et de différentes générations. As-tu été surpris par l'apport des nouvelles générations de MC, l'attitude en studio, etc., par rapport à la génération qui rappait déjà lors de la première édition en 98 ? Salut, c'est DJ Dirty. Alors en fait, ouais, moi j'ai ouvert la partie distribution en fait du hip-hop créole, parce que la scène hip-hop créole, le problème qu'il y a, c'est que c'est un peu éparpillé, et que ça aurait été bien de tout réunir pour vraiment faire comprendre que le catalogue hip-hop créole existe, un peu comme le zouk, le dancehall ou d'autres styles de musique en fait. En ce qui concerne l'enregistrement des anciens MC, je vais dire ça comme ça, et puis la nouvelle génération, bah ce qui est bien avec la nouvelle génération, c'est qu'ils sont très très respectueux, comme disait mon pote Reggie, que les gars sont très respectueux par rapport au style de musique qu'on a essayé d'établir, qu'on a essayé d'apporter, garder la couleur de la culture hip-hop qu'on a aimée en fait, celle que les Américains nous ont laissée, qui a été un peu dénaturée ces derniers temps. Donc voilà, nous on essayait de mettre ça au niveau un peu comme un hommage aussi au style de musique qui nous a fait vivre et qui nous a maintenu en vie pour beaucoup. Les anciens MC, toujours au top. Toujours au niveau, c'est vraiment, ça fait plaisir, rien à dire. En tout cas, la nouvelle génération, c'est vraiment, je pense, une bonne génération qui va pouvoir vendre le rap créole comme il faut, comme on l'a voulu le vendre il y a longtemps. Donc, comme on a dit, tu es avant tout DJ, actif en Martinique, à la radio, en soirée. Ouais, donc en fait, voilà, moi, je suis actif en fait sur la Martinique au niveau de la radio, sur Super Radio. J'ai une émission qui s'appelle Original Hip Hop Créole l'émission, qui vient de la marque du R en fait. C'est la marque de vêtements qui à la base s'appelle Original Hip Hop Créole. Et depuis le mois de novembre, depuis le 7 novembre, on a une émission en fait toutes les semaines qui est diffusée et on peut enfin mettre du rap créole sur les ondes de Martinique face aux autres radios qui nous boycottent un petit peu, on va dire ça comme ça. Tu as pu tester les sons de la compile sur le public, je sais qu'il n'est pas forcément friand du rap qui ne joue pas sur Trace TV, dis-nous en plus. Et au niveau des soirées en fait, le public est très réceptif, il y en a beaucoup qui adorent le rap créole, qui finalement le connaissent pas. Il y en a même beaucoup, par exemple sur Shazam, ils sont un peu en galère avec Shazam parce que du coup ils font leur coup de Shazam en soirée mais ils retrouvent pas les artistes donc ils sont obligés de venir me voir un peu pour avancer le truc. Donc le rap est vraiment en train de prendre une place très importante mais un peu partout, même dans le monde je vois ça sur YouTube, il y a des vidéos qui arrivent d'un peu partout et donc je pense qu'il y a une vraie carte à jouer pour le rap créole, voilà quoi. Alors Rilsi, je sais que vous avez travaillé avec Jeff Joseph, une légende de la musique antillaise avant son décès. On l'entend notamment sur le single de Rokenza, So Hood. Je voulais savoir comment la connexion a-t-elle pu être établie avec cet artiste. La connexion avec Jeff Joseph s'est établie grâce à une personne qui s'appelle Fred Faustan, qui est quelqu'un qui nous suit depuis très longtemps, hein, qui travaille avec nous de près ou de loin. Jeff m'a confié que ce qu'il aurait aimé faire effectivement pour terminer sa carrière, c'est faire un disque de rap, ou en tout cas avec une forte influence hip-hop, mais qu'il n'avait jamais trouvé en fait le beatmaker qui lui correspondait ou le label qui avait la couleur qu'il cherchait. Donc Dirty s'est lancé dans l'affaire en proposant à Jeff un album sur lequel on reprendrait des titres des Gramax, son groupe d'origine. Et c'est un homme à qui on pouvait parler principalement qu'en musique, dans le sens où il avait beaucoup de vibrations, tu vois. Donc le soir même, Dirty me dit « Bon, vas-y, enchaîne quelque chose ». Et j'ai repris le titre « Soukouillant », qui est en featuring d'ailleurs avec Rokenza. Et il y a un album qui est né, qui n'est pas sorti encore, hein, puisqu'il y a maintenant que Jeff nous a quittés, il y a quand même des problèmes de droit à régler. Mais on vous promet quelque chose de très, très, très lourd. De Gramax volte-face au rap, on pourrait se dire qu'il y a un monde. Quel a été son regard un peu sur notre musique? Le regard sur notre musique, il me disait, je vais essayer de te limiter. Il me disait, Rossi, ça sent New York, frère. Ouais, c'est quelque chose qui nous a marqué, quoi. Il avait apprécié l'authenticité de notre musique parce qu'on avait respecté la sienne. Du coup, est-ce que vous avez proposé des remixes à des artistes d'autres genres musicaux? Non, on n'a pas vraiment proposé d'autres remixes à des artistes parce qu'on a déjà beaucoup de travail. On a l'album de Skiz qui est sorti, Tropical Show. On avait l'album de Washi qui est sorti il y a pas très longtemps aussi, Washista. On a l'album de Rokenza aussi qui est dans les bacs numériques. Donc non, pour le moment, on travaille beaucoup sur nos projets. Et les prochains projets, ce sera l'artiste qu'on appelle Blue, un rappeur de Martinique. L'album s'appelle Free Blue. Je travaille aussi aujourd'hui avec Star G, qui est un rappeur de Guadeloupe. On va sortir un EP d'ici septembre ou octobre. J'ai un projet en cours aussi avec le rappeur Tengusan. Pareil, ce sera un EP, je pense. Du léger en perspective, tu vois. Dirty, est-ce que tu pourrais nous donner une petite anecdote de studio pendant l'enregistrement de ce projet Dawick? Une petite anecdote sur le Dawick, surtout sur le volume 2. Alors c'est marrant parce que on avait mis un peu la stratégie un peu en place avant. Et au moment d'enregistrer le volume 2, en fait, qui est le volume de l'eau, scratch, discipline, musique et beatmaking, bah, il y a eu souvent des pluies, en fait. Il y a presque toutes les prises de vent ont été faites sous la pluie, sous l'eau. Donc, on a eu beaucoup d'influence. C'était assez marrant. Et, j'espère que pour le troisième album, il n'y aura pas de tremblement de terre, vu que c'est la terre. Hein, on va pas essayer de voir le truc comme ça. Donc on rappelle que le premier volume, L'Air, est déjà disponible. Donc n'hésitez pas à aller acheter l'album sur les plateformes. Et est-ce que vous pouvez déjà nous dire, avant de terminer, qu'est-ce qu'on va retrouver sur le deuxième volume qui arrive très prochainement? Sur le deuxième volume de Dawick, on va retrouver Lyrical, on va retrouver J-Scalp, Vinke, rappeur de Toulouse qui vit en Martinique, Lead Dog, Mota avec Indies, l'homme qu'on appelle Creamy. Il y aura aussi The Dust, des necks qui pas qu'à faire la fête, avec en featuring Black P Stone, qui vient de Guyane. Le groupe Chaka Son, avec le rappeur Nati, trafiquant d'art, qui vient de sortir d'ailleurs son album. On retrouve Exos, qui lui-même est beatmaker, fait partie du Karakara Crew en Guadeloupe. Alone et Jonas, 21. et un homeboy de la ville du Diamant Martinique qui s'appelle Tilel. Pour représenter les femmes, Shabina Loxla. Bref, différents artistes, ça continue, l'aventure continue. Le troisième album sera l'album de terre et le quatrième l'album de feu. Tous les noms qu'on a cités actuellement, tout ça se retrouve sur les réseaux sociaux. Tapez les noms qui ont été cités, cherchez différentes orthographes parce que des fois c'est pas facile. Et vous allez nous trouver, on est sur YouTube, on est sur toutes les plateformes de téléchargement légal. On est présent sur la toile, difficilement sur les ondes, mais on fait le travail. Big up. C'est Conlambi, émission spéciale hip-hop créole, la dernière de la saison 2013. Et bien on est très content, messieurs, de pouvoir découvrir qui se cache un peu derrière ce projet aux 60 artistes, Rilsi, DJ Dirty. Est-ce que vous pouvez nous donner un dernier mot pour nos auditeurs? Donc voilà, merci de nous avoir reçus, merci à l'équipe, merci au Scud Squad, merci à FPP. DJ Dirty représente Original Hip Hop Créole, l'émission pour FPP, Conlambi, yes I, l'équipe. Merci Edson, merci au Scud Squad, merci à FPP. C'était Rilsi en direct de la Martinique ou en direct de Paris. Comme tu sens, on est sur les ondes. Yes I. Hey yo, là c'est FOLA. Donc on vit dans une société, c'est le passé, la radio, la télé qui est important. Mais il y a le monde qui travaille et nous pas vrai yo. Et yo real si. On parle by you, check it out. Yo qui travaille en bas fait, c'est yo qui fait un pas vrai. Mais si yo arrête demain, à capa yo qui senti. Y'a pas qu'à passer la radio, y'a pas qu'à passer la télé. Mais si yo arrête demain, à capa yo qui senti. Yo qui travaille en bas fait, c'est yo qui fait un pas vrai. Mais si yo arrête demain, à capa yo qui senti. Y'a pas qu'à passer la radio, y'a pas qu'à passer la télé. Mais si yo arrête demain, à capa yo qui senti. Si demain des parents décident pas aller chercher tout le monde à yo, là yo sorti l'école, à capa yo qui senti. Si yo décide papa yo manger avant yo aille dormir. Pendant des semaines ou que senti, t'as la passé aussi. Si les éboués décident pas ramasser Zordi, ou que garder yo en d'autres gens, leur sorti. Si boulanger là, pas fait peine la jode là, ça qui aille, mais si pas fait pendant des semaines. Non, ça fait que aille si agriculte t'es pas planté pour récolter. Dis-moi qui j'en nomme mes femmes qui fait pour yo manger. Pas qu'à manger ordinateur, ni caméra ni micro. Nous pas qu'à manger bling, ni go voir ni radio. Même si tout le monde pas qu'à voir tout ça au café. En effet, bien, passons d'autres monde bis. Si demain soleil pas levé, tout le monde qui est bon dieu. C'est à l'air pour dire merci pour mon œuvre qui est capoté. Yo qui travaille en bas fait, c'est yo qui fait un pas vrai. Mais si yo arrête demain, à capa yo qui senti. Y'a pas qu'à passer la radio, y'a pas qu'à passer la télé. Mais si yo arrête demain, à capa yo qui senti. Yo qui travaille en bas fait, c'est yo qui fait un pas vrai. Mais si yo arrête demain, à capa yo qui senti. Y'a pas qu'à passer la radio, y'a pas qu'à passer la télé. Mais si yo arrête demain, à capa yo qui senti. Avant qu'elle nous fête, la tête est cartoon. Les nous qui disparaissent et qui continuent tourner sans nous. Vie en nous qui a passé, qu'on l'a fumé à cigarette. Les ventes en nous qui fait nous mal, nous tout qui a ici des six toilettes. Nous qui a utilisé un lobby pour diviser. Travail, casse, boîte, tout ça c'est pour danser. Nous conchaînons, yon bise l'autre, même si ni a ou grand. Pas des petits travail, si ou quoi travaille bien. C'est travail bien fait, qu'a mené plus grand chantier. La rue la fin qu'on far west, qu'on ne peut pas les français. Pas moto, ni voiti, ni air max qui fait avancer. C'est ça qui a dans tête out. C'est ça qui a dans K.O. Bonté à l'éternel, pas qu'à faire discrimination. Il qu'a brillé si tout quartier et si toute nation. Rap en moins rouge qu'on charbon, il qu'a brûlé. On peut pas qu'aimer, c'est Jésus-Christ qui qu'a limé. Yo qu'a travaille en bas fait, c'est yo qu'a fait un pas vrai. Mais si yo arrêté demain, à qu'a pas yo qui senti. Y'a pas qu'à passer la radio, y'a pas qu'à passer la télé. Mais si yo arrêté demain, à qu'a pas yo qui senti. Yo qu'a travaille en bas fait, c'est yo qu'a fait un pas vrai. Mais si yo arrêté demain, à qu'a pas yo qui senti. Y'a pas qu'à passer la radio. T'es pas qu'à passer la télé. Mais si yo arrêté demain, à qu'a pas yo qui senti. Non, non, non, FOLA, a pas compliqué. Motivation qu'on bouge, ira pas moins y compliqué. ATP fait un son pour mettre musique à sort la jolle. Flow à sort, texte à sort, voyez l'école. Mais 40% chômage pour la jeunesse au pays. Man, on fait un son pour voyer bon vibration. On y marre de voyou, car glorifié crime là. En chapalé, en pas qu'à gaspiller rime là. Comment faire, c'est fait en nous qu'à peser des tonnes. Et si pays là, nous ni moins impact. Les en kaken, des petites filles en moins en bras, en moins. Pas qu'à songer des noms qui viennent, yo, ma dra, ayo. Sans l'amour, sans sentiment, et puis sans respect. En fait, bah, yo, racine, ouah, yo, faut moins rester. Songez que c'est tes graines qui ca, vini pied-bois. Et en pied-bois qui canté, pire la décanté. Yo, qu'à travail en bas fait, c'est yo, qu'à faire, on fait pas vrai. Mais si yo, arrêtez demain. À l'instant, vous avez entendu l'interview de Real C et DJ Dirty pour le projet Darwick, une compilation que vous pouvez, comme on a dit, déjà trouver sur les plateformes de téléchargement, en tout cas le premier volume. Et là, c'était la transition toute trouvée, puisque, entre autres, qui ont posé sur cette compilation, il y avait l'homme Fola, qu'on vient d'entendre avec le titre Yoka Travail. Donc déjà, bonjour Fola. Salut, salut Fangère, merci de me recevoir. Donc voilà, de la même manière que Real C, DJ Dirty, qu'on a interviewé, sont en fait en Martinique. Là, on a Fola qui, lui, eh bien, est de passage à Paris avec nous, mais qui est basé en Martinique. Donc, tu es passé parce que tu avais un concert hier soir au Sentier des Halles. Exact. Donc, on va en rester tout petit peu sur ce morceau, Yoka Travail. J'ai trouvé que c'était une bonne transition et aussi un morceau qui symbolise bien, bien ton style, puisque dans ce morceau, tu mets en lumière les gens qu'on ne voit pas forcément, Sayoka fait ou Pepa Voye, parents, éboueurs, agriculteurs, à la différence d'un rap médiatisé qui va mettre beaucoup en avant tout ce qui brille, voire même tout ce qui est illégal, mais en tout cas tout ce qui se remarque, tout ce qui est flashy. Toi, tu as décidé de montrer d'autres personnes que ça. Pourquoi ce choix ? Parce que si tu veux, ce qu'on voit dans les médias, ce qu'on voit en haut des charts et autres, c'est un peu ce que j'appelle l'empire de l'illusion. Les gens qui sont vraiment dans la vraie vie savent que ben, la société, elle fonctionne, elle tourne parce qu'il y a ces petites gens-là. Il y a ces gens qu'on ne voit pas forcément en médias, mais qui font un travail incroyable pour que notre pays, indépendamment de là où on vit, hein, ça peut être dans un pays comme l'Hexagone, la France, une grande ville, ou aux Antilles, il y a des gens comme les parents, voilà, les éboueurs, les femmes de ménage, les personnes qui travaillent à la banque derrière leur guichet, enfin des gens dans la vraie vie qu'on ne voit pas forcément en médias. Je me suis imaginé, pendant un moment, si ces gens-là arrêtaient de faire leur travail, s'ils ne venaient plus travailler, s'ils ne prenaient plus soin de leurs enfants, s'ils arrêtaient complètement de s'investir comme ils le font dans nos sociétés, la société ne tournerait pas. Et on a tendance à vivre un peu à l'envers, à glorifier effectivement ce qu'on voit à la télé, alors que très souvent, ce qui nous font vivre normalement, ce sont ce qu'on ne voit pas, quoi. Que ça symbolise bien ton style, c'est aussi parce que pour moi, mais c'est une face, c'est ce qui pourrait être une alternative en fait dans le hip-hop. Donc, est-ce que toi, tu vois ce que tu amènes dans ton rap comme une alternative? Absolument, je le vois comme un autre choix. Oui, il le faut parce que je conçois le hip-hop un peu, même la musique, hein, comme un arc-en-ciel. Il faut qu'il y ait de toutes les couleurs. Si on a que du bleu tout le temps, c'est pas bon. Ça peut pas être que ce qu'on voit, ça peut pas non plus être que Fola, mais je crois qu'à l'heure où on vit des temps qui sont parfois très très graves, très sérieux. Je perçois ma voix dans le rap, oui, comme quelqu'un qui veut dire autre chose, montrer une autre réalité, sans avoir la prétention de dire que je détiens toutes les clés. Mais il faut qu'il y ait un équilibre, il faut qu'il y ait du bleu, du noir, du rouge, du jaune, pour qu'on puisse mieux apprécier chaque facette du hip-hop. Donc Fola qui est un invité de la compilation Darwick, mais qui est surtout là pour défendre son EP à visage découvert, qui est déjà disponible. On va écouter quelques extraits tout au long de l'émission et puis en discuter un peu avec toi. Mais en plus d'être un artiste, Fola est également auteur. Et pour revenir toujours sur ce morceau Yoka Travail, je trouve qu'il y a un lien assez intéressant avec ton livre « Sous le soleil de la dignité » qui à travers, donc, est un recueil de nouvelles et qui met aussi en lumière des gens de la vie de tous les jours, en Martinique, enfin en Guadeloupe, etc. Oui. Est-ce que c'est juste ? C'est ça, c'est ça. T'as bien lu, t'as bien vu. D'ailleurs, « Sous le soleil de la dignité », c'est d'abord le titre d'une chanson que j'ai écrite à l'aune des mouvements sociaux qui ont secoué nos îles en 2009. J'ai écrit d'abord cette chanson de rap, « Sous le soleil de la dignité ». Et ensuite, lorsque l'écriture, la fiction m'est venue, lorsque j'ai commencé à écrire en 2011, par là, j'étais au chômage, j'ai commencé à écrire. Et les histoires qui me venaient, c'était les histoires des gens qui m'entouraient, des gens avec qui j'avais grandi, ou les gens que je voyais au bas de ma résidence, ou les gens que je rencontrais des fois à Pôle emploi. Et j'ai eu envie de raconter l'histoire de ces gens-là. Parfois, ce sont des histoires très difficiles, très dures à encaisser. Des fois, ce sont des histoires un peu plus light, mais on retrouve cette couleur qu'on retrouve dans mon rap. Montrer des gens qui ont envie de s'en sortir de manière digne. Et parfois, ils ne choisissent pas forcément les bons chemins, mais en tout cas, ce qui les relie, c'est la dignité, cette envie de lever la tête. Et c'est Aimé Césaire, un grand homme de chez nous, qui disait que la dignité, ben, c'est plus que le pain, quoi. Hein. La dignité, c'est plus que ça. On va écouter un petit extrait de l'album et revenir sur le livre un peu plus tard, mais pour l'instant, on va parler un peu hip-hop. On écoute tout de suite le titre « Pas confondre » de Fola. Yo, pas confondre. T'as la sans remix, F-O-L-A. Léo saf qui mounouye. Moun peut pas les siou, mais vous, on va marcher tête en l'air. Yo, ni des bitins qui cassent, mais qui ont pas l'autre. Si vous confondez, y'en les pilotes, ça qui est con calotte, ça qui déstabilisé, faire tomber ou que les vétous, t'y gamane, mais man caille. Yo, pas confondre ça, on y a mer, et puis valet, ah. Pas confondre compte en bancard, et puis valet, ah. Linge là, qui a apporté, et puis important ça. Ainsi à monde qui est en MSL, là, qui paye vrai ça. Pas confondre ça, on voulait faire, et ça, on a fait aller là. Marcher, y'a fait vision, qu'on télescope. Devant les bons moments, qui est en main, qu'on caméscope. Jot là, nous bien, mais des mêmes vents, la pétouné. On pile force, pas ça qui fait des mounes, y'a aimé. Jean là, on a fait l'argent, fait faire, on fait l'argent. Hip hop, c'est basket, en fin pété d'un clas. Garde les gens qui a fait ça bien, y'en pas bise un coin clas. Critiquer pour construire, et puis méchanceté. Couler à peau en moun et ça qui y a dans le K.I. Si vous quand respectez maman, faut respecter toute madame. Pas confondre l'amour à la rive, l'amour à fond. Ni des vitins qui cassent, mais y'en pas l'autre. Si vous confondez, y'en les pilotes, ça qui est con calotte. Ça qui est déstabilisé, faire tomber ou que les vétous. T'y commande, mais man, qu'est-ce qui fait moi. Ni des vitins qui cassent, mais y'en pas l'autre. Si vous confondez, y'en les pilotes, ça qui est con calotte. Ça qui est déstabiliser, au fond de Fola. Fola, avant d'avoir Fola, il y avait Fola D qui posait sur Red Zone 2. Red Zone 2, une compilation pour ceux qui étaient dans les années 90 du côté des Antilles, savent qu'il s'agit d'un très grand classique du rap et du reggae local. Mais Fola D, à l'époque, rappait en anglais avec un certain BGP qui maintenant est connu sous le nom de Lyricson. Mm-hmm. C'était la fin des années 90. Et maintenant, on arrive à Fola, fin des années 2000, qui fait du rap à consonance chrétienne, mm-hmm. qui est auteur. Est-ce que tu peux nous expliquer cette transition et pourquoi rapper en anglais, etc. Ah ouais, c'est intéressant parce que tu sais, je faisais des études d'anglais, j'étais moi-même bilingue, j'étais parti plusieurs fois à Atlanta. Rapper en anglais aux Antilles me permettait de sortir du lot. C'est ça qui m'a permis de poser sur cette compile avec de grands artistes comme Traffic Jam à l'époque. Voilà, c'est, jusqu'à maintenant, c'est un grand frère, c'est une plume incroyable. C'est parce que je rappais en anglais que j'ai réussi à avoir des opportunités que j'aurais peut-être pas eues si je rappais en français ou en créole. Maintenant, à un moment donné, tu as envie de te faire comprendre par tes gens. Quand tu passes en prestation, tu veux pas que les gens crient seulement sur ton flow, ton style. Tu as envie de communiquer quelque chose. Je pense que c'est la maturité d'un homme. On grandit, tu mûris, tu aspires à autre chose. Et puis après, je suis arrivé à une croisée dans ma vie où je cherchais plus de sens. J'avais une quête spirituelle que j'avais commencé déjà depuis quelques années et puis qui a trouvé son point culminant dans la foi chrétienne. Tout simplement, hein, je me suis rendu à une église protestante un jour et effectivement, il y a un sermon qui m'a vraiment parlé, qui m'a vraiment beaucoup parlé. Et c'est de là, si tu veux, que j'ai commencé à emboîter les pas du Christ, à emboîter les enseignements du Christ, à fréquenter une église, à devenir un serviteur d'église, mais aussi, si tu veux, un activiste dans la société par mes écrits, par ma musique, par mon engagement associatif. Donc, ma musique, si tu veux, elle a reflété un peu la maturité d'un homme, le parcours d'un homme, voilà. Et tu as sur l'album un titre qui s'appelle « Elle », donc qui parle un peu de l'addiction, de différentes formes d'addiction, mais en l'occurrence à l'herbe. Oui. Comment s'intercale, on va dire, dans le fil de ton parcours depuis Red Zone à l'époque, mm-hmm. comment s'intercale ce déclencheur, en fait, que tu décris dans ce morceau? Tu sais, à un moment donné, moi, je fais partie d'une génération aussi qui a connu le cannabis. Ça faisait partie de notre vie, ça faisait partie d'un style de vie. On sait très bien aussi que dans le mouvement hip-hop, dans le mouvement reggae, les cultures urbaines, cette substance-là, elle est toujours très présente. Il y en a d'autres, hein, mais celle-là, elle est très souvent glorifiée. Banalisée. Et on n'en parle que du point de vue de l'amusement. Moi, c'est une substance qui m'a tenu à un moment donné. J'en ai utilisé, bon voilà, pour m'amuser, mais à un moment donné, c'est devenu même quelque chose que j'utilisais fréquemment et dont je n'ai pas pu me séparer quand je voulais. Ça m'empêchait de faire ma volonté. Donc j'étais vraiment addict à cette substance-là, sans pour autant être dans la rue, mais ça m'a vraiment tenu prisonnier. Et donc c'est grâce à la foi chrétienne, pour moi, ça a été ce chemin surnaturel-là. Pour d'autres, je sais qu'il y a des addictologues et des associations qui font un vrai travail avec ceux qui ont un problème avec les substances. Mais comme dans notre milieu, très souvent, on parle des substances hallucinogènes de manière détachée, c'est que de manière hédoniste, juste pour s'amuser, pour avoir un high, ou pourquoi pas être plus créatif. Moi, je sais que derrière, lorsque quelqu'un est addict à des substances, peu importe laquelle, il y a une souffrance, que ce soit pour cette personne-là qui vit, elle ne peut pas faire ce qu'elle veut, son argent passe dedans, il y a aussi des familles qui sont derrière. Parfois, ça peut nous emmener même à la prison, ou ça peut nous emmener à une déchéance qui est très difficile. Donc moi, j'ai eu envie, pour avoir travaillé avec des associations qui se battaient contre la toxicomanie et la violence que ça pouvait engendrer, j'ai eu envie de faire un morceau qui parlait de cette réalité-là. On va écouter tout de suite un extrait du morceau Elle, qui, tout comme le titre Pas confondre qu'on a écouté tout à l'heure, possède un clip que vous pouvez visionner sur YouTube. Fola, Elle, tout de suite. Elle s'est servie de mes amis pour m'amadouer. Je m'étais promis de ne jamais traîner avec elle. Elle s'est approchée de moi comme si de rien n'était. Elle a insisté et un beau jour j'ai décidé de lui parler. Et je t'avoue, elle m'a volé de belles années. Quand j'en avais besoin, elle a pris ma lucidité. Gourmande, elle voulait de plus en plus de temps. Mais un beau jour, l'éternel m'a éloigné d'elle. Je t'avoue, elle m'a volé de belles années. Quand j'en avais besoin, elle a pris ma lucidité. Dans ma vie, elle a envahi tous les espaces vides. Mais un beau jour, l'éternel m'a éloigné d'elle. Je la revois encore, aborder mes amis. Ils traînaient avec elle du matin au soir. On aurait dit que sans elle, la vie n'avait pas de sens. Et avec elle, les problèmes avaient moins d'importance. Elle a su leur parler, elle a su les charmer, elle a su les consoler quand personne n'était là. Je l'ai vu les endormir dans ses bras. Il voulait être avec elle, peu importe l'endroit. Il perdait la notion du temps, devenait agressif. Quand elle restait loin d'eux un peu trop longtemps, j'ai vu certains fondre en larmes après avoir été avec elle. Parce qu'elle avait l'art de faire remonter les souvenirs. Certains m'ont dit avoir eu des pensées suicidaires. Parce qu'elle savait rendre Fola. Hier soir, donc, tu étais au Sentier des Halles, en concert. Comment s'est passée ta scène? C'était vraiment une scène chaleureuse, une scène explosive. J'avais un public réactif, un public attentif qui était venu pour, parce qu'il connaissait l'homme, le MC. Il y en a qui voulaient le découvrir aussi. C'était un moment super parce que c'était des conditions professionnelles. L'organisation qui m'a fait venir, a bien tout mis en place. Je les remercie. Un moment que j'ai aimé, tu sais, à l'ère d'Internet, je dis souvent ça sur Facebook, que rien ne remplace le contact avec le public. Rien ne remplace ça. Ce sont souvent des expériences vraiment formidables et j'ai passé un très bon moment. Un très bon moment de partage avec les gens, du bon rap qui cognait bien aux oreilles avec des lyrics, quoi. Il y a un mois, venait également Williams Café pour son concert solo au Sentier des Halles. On précise que Fola, qui sort son album en solo à visage découvert, fait partie du groupe Benaja. Avec Williams Café, donc on a eu l'occasion justement de recevoir dans notre spécial hip-hop créole dans Conlambi. Donc on va pas te reposer les mêmes questions et on voit bien les points communs qu'il y a dans votre parcours. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui vous distingue? Ce qui nous distingue, ça, je trouve ça très intéressant cette question. Café lui chante, Café produit de la musique. Moi, je suis pas beatmaker, je ne chante pas. J'écris et moi, j'aime kicker, j'aime rapper. Je suis un poète dans l'âme. Donc Café, voilà, c'est peut-être ça. On a plus, il a cette sensibilité musicale, cette sensibilité vocale que moi je n'ai pas, mais on se complète bien. Et puis bon, au niveau du contenu, on est un peu sensible à la vie réelle, la vraie vie. Parfois aussi des thèmes profonds. Moi, je serais un petit peu plus politique que Café à certaines fois. Café, lui, il a un registre très soul, un registre qui va très près des sentiments de la vie des gens. Moi, je sais faire ça aussi, mais j'ai une lecture historique et parfois très politique des choses que je vais mettre dans ma musique. Mais qui est certainement lié à ton métier, ta formation. Est-ce que tu... Comme tu en parles publiquement, je me permets de te poser la question. Donc tu es maître de conférence à la fac de Schœlcher, c'est ça ? Voilà. Je suis spécialiste de l'histoire des États-Unis, maître de conférence en civilisation américaine. Et donc c'est vrai, au niveau de l'histoire des idées, au niveau de l'histoire des peuples, voilà, je m'intéresse beaucoup à ça. Je suis un lecteur vorace aussi. Et donc je crois que ça s'infuse dans ma musique. Il y a des groupes qui m'ont marqué comme Dead Prez. D'autres groupes aussi comme The Cross Movement, le mouvement de la croix, sont des gars de Philadelphie qui, eux, sont chrétiens, mais sont aussi des activistes qui vont vraiment sur le terrain, qui s'impliquent, qui s'engagent sur le terrain. Donc, toute cette musique-là, je crois que je viens de cette école-là. Les gens qui, d'accord, font de la musique, mais ça, c'est juste la partie visible de l'iceberg, mais qui, au niveau politique, social, sont aussi placés et engagés, quoi. Alors, je n'étais pas hier soir au Sentier des Halles. Par contre, j'ai déjà vu Fola sur scène. C'était en Martinique. C'était lors du concert de Mali, qui défendait un peu la cause des SDF au Maximus. Ça m'avait interpellé parce que j'ai eu l'impression d'un public qui ne te connaissait pas forcément, qui n'était pas forcément venu pour ça, mais que tu as su aller chercher. Alors, justement, comme on disait, que tu fais donc du rap chrétien qui ne parle pas que de foi, de croyance, mais voilà, qui est très marqué par cela. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe sur une scène ? Parce que forcément, tu as dû, j'imagine, aller chercher le public. Oui. C'est toujours des expériences, du moins, qui ne sont pas banales. Arriver comme ça devant un auditoire qui n'est pas forcément préparé au thème que vous développez. Mais je crois que j'ai essayé de choisir des morceaux qui mettaient les gens à l'aise, des morceaux qui grouvaient déjà. Et on voit que par-delà la foi chrétienne, même si tout le monde ne l'a pas, mais ce qui a touché les gens, c'est que je développe un message qui quelque part est universel. Je développe des valeurs dont nos pays ont besoin. Très souvent, on se rend compte qu'il y a des drames qui traversent nos pays et qu'il nous faut revenir à certaines valeurs essentielles comme la solidarité, comme la sagesse, comme l'engagement, comme le respect, comme l'amour qui se traduit de manière pragmatique. C'était une belle expérience parce que je vois aussi que quelque part, les lyricistes qui ont du respect pour les gens, les lyricistes qui ne sont pas trop loin dans leur trip, qui arrivent à se faire comprendre avec des paroles quand même assez simples, les lyricistes sont respectés et appréciés. Et puis tu sais, quand je monte sur une scène, moi j'aime les gens. Je monte sur une scène parce que vraiment j'ai quelque chose dans le cœur que je veux partager avec eux, donc peut-être que ça se ressent. L'album s'appelle « À visage découvert ». Alors je vais te demander pourquoi ce titre, mais je vais faire une supposition. Puisque tu as pu bénéficier dernièrement d'un peu de lumière, notamment via des émissions qui t'ont été consacrées, comme le B-World Connection, interview sur des télés aux Antilles, par exemple. Et je me suis dit, est-ce que, en fait, le fait de mettre ton parcours au service de ton message, est-ce qu'en partie ça explique le titre ou alors pas du tout ? Mon parcours, oui, quelque part. Quelque part, oui, on peut retrouver ça, puisque si tu veux, j'essaie d'allier les deux. J'essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas un trop grand vide entre le parcours, le message et l'homme. Très souvent, certaines personnes peuvent être désorientées par le parcours ou se dire « Oh là là, c'est pas pour moi ». Mais quand ils voient l'homme, ce qu'il est, tiens, ils se disent « Oh là là, eh bien, quelqu'un comme ça qui fait ça ». Je crois que ça ouvre des fenêtres, ça ouvre des cases dans la tête des gens et c'est ce que je voulais. Donc, je l'ai appelé à visage découvert en mettant vraiment mon visage. C'est un retour, si tu veux, un appel, plus ou moins, à l'authenticité. Un appel au retour aux choses essentielles, à la vraie vie. Et surtout, en tant qu'artiste, ce que j'ai fait avec cet album, j'ai ouvert ma vie. J'ai ouvert ma vie de manière raisonnable, hein, mais j'ai ouvert ma vie. J'ai montré mes blessures, j'ai montré mes handicaps. Il y a des choses que je dis sur moi qui sont vraiment vraies. Hein. Dans Au pays des hommes, je dis « Je ne vois qu'un seul œil, mais je vois loin. » À 15 ans, c'était un complexe. Maintenant, je suis en paix. Ça, c'est vrai. Je vois qu'un seul œil. Mais pour montrer aux gens que, indépendamment de nos handicaps, de nos accidents de vie, je viens aussi d'un foyer divorcé, mais en même temps, j'ai un doctorat. Aujourd'hui, c'est vrai, je suis maître de conférence, mais j'ai été au chômage. J'appartiens à une église, j'aime Martin Luther King, je suis créole, en même temps avec un héritage français, les Afro-Américains me parlent, j'aime lire, pour montrer quelque part la complexité de l'homme. L'homme noir aussi, c'est très souvent l'homme noir qu'on voit dans les médias, c'est quelqu'un qui est très musclé, qui a des tatouages, qui parfois a un comportement criminel, qui a un passé carcéral, qui voilà, est brutal. Je veux montrer aussi que la vie est plus complexe que cela. Dans ton album, tu dis « Pas confondre Saoni en Lamer et puis Valéar, ne confond pas ce que tu as dans ta main avec ta propre valeur ». C'est un message qui semble donc couler de source. Mais aujourd'hui, donc avec tout le développement de, enfin, l'exagération, on va dire, dans la violence ou dans les conséquences d'une forme de matérialisme qui ne cesse d'occuper les esprits aux Antilles, quelle résonance a, selon toi, ce message dans nos pays et quelle nécessité ? Alors, la résonance, je la vois lorsque les gens commentent ce morceau sur Internet ou lorsque parfois les gens m'arrêtent. Les gens me disent, mais c'est tellement vrai, c'est simple, mais c'est incroyable, c'est tellement vrai. Et quelque part, c'est ce retour à la réalité, aux choses vraies, aux choses simples. On vit dans un monde de publicité agressive, on vit dans un monde où on essaie de jouer sur nos désirs de gloire, nos désirs d'être reconnus, d'être aimés, pour nous faire avoir certains comportements, pour nous faire magnifier certaines valeurs. Et lorsque je dis « ne confonds pas ce que tu as entre les mains et ta valeur à toi », l'être humain, il est plus que ce qu'il possède. Et on a constamment dans la tête des chansons qui nous disent « si j'ai la voiture, si j'ai les chaînes, si j'ai les femmes, si j'ai le poste, si j'ai la gloire », eh bien là, je serai quelqu'un. Non. Moi, je connais plein de gens qui ont gravi les échelles de la gloire pour arriver finalement au sommet et se rendre compte que derrière, il y avait un ombre et qu'il y avait un vide incroyable. Ils pensaient que ça allait vraiment les combler. Moi, je pense aussi que la foi en Dieu, avoir une relation personnelle avec Dieu, comble notre désir de sens, notre désir d'être pleinement aimé, apprécié et sentir qu'on est utile dans cette vie-là. Maintenant, la nécessité, tu sais, dans nos sociétés antillaises, en Guadeloupe, en Martinique, j'ai la chance de vivre en Martinique et de venir de Guadeloupe, ça me donne une vision peut-être un peu plus globale des choses. Je vis en Martinique, je viens de la Guadeloupe, donc je connais un peu les deux îles, je suis curieux. Nos sociétés sont vraiment très troublées. Nos sociétés sont dans une espèce de carrefour où nous sommes des sociétés modernes à fond. En même temps, on a des blessures qui sont là depuis très longtemps. On a des divisions raciales et sociales qui sont là depuis très longtemps. Donc ce message-là, à mon avis, il est important pour plus d'équilibre. On va écouter un autre extrait de l'album « À visage découvert ». Ce sera « Au pays des hommes » tout de suite. Fola. Yeah, F-O-L-A. Le projet s'appelle « À visage découvert ». Il y a tellement de personnes déguisées dans le rap game et dans la vie. Yeah. Yo. Au pays des hommes, on respecte nos femmes et on tient nos responsabilités comme le microphone. Les artistes trop légers ne parlent pas trop fort et les dirigeants sans vision deviennent affolés. Au pays des hommes, on respecte nos femmes et on tient nos responsabilités comme le microphone. Les artistes trop légers ne parlent pas trop fort et les dirigeants sans vision deviennent affolés. Je suis passé de l'époque où je traînais le soir et en un claquement de doigts, on avait changé de spot au statut d'homme, de mari, de père de famille avec un crédit immobilier à payer tous les mois, des problèmes concrets à gérer au quotidien. Les billes et les bitches ou les voitures, j'assume, je n'ai pas. Parle pas d'amour ou le coup de foudre. Ma génération exprime son manque d'amour à coup de poudre. La rue sort de grosses armes pour de petits disputes. Et on a de petits budgets pour de gros problèmes. Quand autour de nous les méchants sont les héros, t'étonnes pas que nos enfants veulent avoir le bon rôle. Beaucoup pensent que pour avoir un avenir brillant, faut obligatoirement avoir un passé sombre. Y'a pas de rime facile ni de trucs pervers. J'te montre mon visage comme Mark Zuckerberg. Au pays des hommes, on respecte nos femmes et on tient nos responsabilités comme le microphone. Les artistes trop légers ne parlent pas trop fort et les dirigeants sans vision deviennent affolés. Au pays des hommes, on respecte nos femmes et on tient nos responsabilités comme le microphone. Les artistes trop légers ne parlent pas trop fort et les dirigeants sans vision deviennent affolés. Prédicateur qui porte sa part de progrès. Appelle-moi le Martin Luther King du rap gang. Je ne vois que d'un seul œil, mais je vois loin. À 15 ans, c'était un complexe, maintenant je suis en paix. J'essaie de me protéger, mais la tentation me guette. Les femmes, le succès et la grosse tête. Les vidéos, les images osées sur internet. Pas de plan de carrière, ni de retour en arrière. Black money chrétien, l'évangile ma bannière. Au 21ème siècle, c'est donner le meilleur de moi-même. Pour permettre aux autres de donner le meilleur de même. Violence. Qui pense à part de progrès, appelle-moi le Martin Luther King du rap game. C'est un lyrics qui m'a interpellé dans ce morceau. Est-ce que tu peux me dire un peu ce que tu mets derrière tout ça? C'est-à-dire que je suis moi-même prédicateur. Ça m'arrive à mon église de prêcher des sermons, que ce soit des sermons pour la jeunesse ou des sermons pour toute ma congrégation. Donc c'est vrai, je suis prédicateur. Et donc dans le rap, si tu veux, je veux amener cet esprit qu'avait Martin Luther King. C'est un homme que j'admire beaucoup, que je lis encore, j'écoute ses prédications, je le lis beaucoup. Martin Luther King est un prédicateur qui n'est pas resté dans son église. C'est un prédicateur qui a vu les problèmes qui traversaient sa société et qui a décidé d'aller dans la rue, qui a décidé d'aller, de frapper aux portes de certains politiques, de frapper aux portes de certaines associations, de regrouper sa communauté pour mener un combat juste. Moi, je crois que ma génération, comme disait Frantz Fanon, a sa mission, son combat à mener. Donc, c'est pour ça que je dis, voilà, prédicateur qui porte sa part de progrès en tant qu'activiste social sur le terrain, je fais partie de certaines associations, mais voilà, j'essaie de porter ma part de progrès. On voit de tout le côté positif du message qui forcément résonne chez ceux qui vivent la vraie vie que tu décris. Je voulais savoir, est-ce que ça n'a pas non plus, il n'y a pas eu des réfractaires à cette position que tu as, quelles critiques tu as pu avoir par rapport à ce style? Et comment tu les vis, ces critiques? Bien sûr. Il y en a peut-être certains, oui. Pour l'instant, je n'ai pas encore eu vent. Peut-être certains, si tu veux, n'acceptent pas ce changement en moi. Certains m'ont connu avant. Voilà, comme je dis, je suis un homme, je suis le fruit d'une expérience, de certain nombre d'années de maturité. Donc, il y en a peut-être qui m'ont connu à un point A de mon évolution et qui, lorsqu'ils voient aujourd'hui le point M, se disent « Mais ce type-là, mais moi, je le connaissais lorsqu'il était au point A. Mais regardez ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui faisait ça, qui traînait avec des gens comme ça. » Donc, qui n'accepte pas peut-être cette évolution. Mais sinon, la plupart du temps, la musique que je fais avec Café, parfois, elle a été décriée parce que les gens nous trouvaient soit trop religieux, soit pas assez religieux, ou ils nous trouvaient peut-être un peu arriérés ou avec notre cravate trop serrée, à parler de thèmes toujours trop serrés. Mais lorsque ces mêmes gens regardent ce qui se passe dans nos sociétés, en Guadeloupe et en Martinique, je suis sûr que certains d'entre eux se disent purée, mais ces gars-là, il faut quand même une goutte de leur musique. Et puis maintenant, moi, j'essaie de ne pas attraper la grosse tête. Je suis un homme avec des faiblesses, comme je dis. J'ai une rime où je dis un homme sans faiblesse, c'est rare comme une personne qui se réveille en ayant bonne haleine. Tu vois, on a tous nos faiblesses. Donc, je m'enfle pas trop. Je crois que je fais ma part. J'essaie de faire de la musique qui distille les choses édifiantes. Et après, on verra, le temps va parler, quoi. Avant de terminer l'émission, parce que le temps passe vite, on va quand même parler de ce livre « Sous le soleil de la dignité » aux éditions Nestor de Steve Gadet, qui est en fait... Gadet, excuse-moi, qui en fait n'est autre que Fola, ici présent avec nous. Je vais te lire deux petits extraits qu'on va essayer de commenter avant la fin de l'émission. « Pendant tout ce temps, ma fille me regardait dans les yeux. Parfois, un sourire atterrissait sur son visage, puis elle se retournait aussi vite vers son canard jaune en tapant dans l'eau avec ses pieds. Je ne me suis pas rendu compte, mais je lui parlais déjà depuis une demi-heure. Du haut de ces 6 mois, je ne sais pas si elle avait bien compris ce que je disais. En la sortant du bain, j'ai réalisé que j'avais dit toutes ces paroles pour moi-même, comme si je cherchais à dissiper, à chasser les nuages de doute dans mon ciel mental. J'essayais de briser le cercle vicieux pour dessiner un cercle vertueux dans une famille aux Antilles. » Est-ce que tu peux un peu nous parler, parce que ça parle du père Poto, car on connaît la position des femmes potomitans dans nos sociétés, donc souvent monoparentales. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce texte qui, en plus, a l'air un petit peu autobiographique? Ah oui, absolument. Il est autobiographique dans le sens où moi, j'ai des enfants, donc je sais un peu ce que peut ressentir un père de famille vis-à-vis de ses enfants. Donc voilà. Maintenant, c'est un texte où j'ai voulu quelque part... donner une autre vision de la femme et du couple aux Antilles. C'est un hommage à nos femmes qui, depuis très longtemps, les femmes en Guadeloupe, aux Antilles, en Martinique, depuis très longtemps, elles sont sur le chantier du pays. Elles ont été des fondations pour nous et même pour nos grands hommes. Mais on arrive à un moment donné où je pense que il faut qu'il y ait un couple solide pour pouvoir élever les enfants. Nos femmes ont été très courageuses, mais en même temps, elles ont payé un lourd tribut. Elles ont payé ça de leur santé mentale, leur santé psychologique, leur santé émotionnelle. Donc c'était un hommage, oui, aux femmes potomitans, mais en même temps, je voulais dire que, attention, peut-être qu'il ne faut pas seulement maintenant nous appuyer que sur nos femmes, parce qu'elles le payent très souvent trop cher de leur vie, de leur sacrifice. Il faut maintenant que les pères et les mères soient les potomitans. Et s'il y a deux poteaux dans la famille, si les deux parents sont là pour élever les enfants, pour s'aimer, pour avancer ensemble, eh bien, il me semble que notre société et nos enfants seront plus équilibrés. Je suis toujours très touché lorsque je vois des gens, des hommes ou des femmes qui ont un passé carcéral ou qui ont eu des problèmes dans la vie, dans leur vie, des tueurs ou des gangsters. Lorsqu'on remonte dans leur enfance, très souvent, ce sont des gens qui n'ont pas eu une présence paternelle forte et équilibrée. Certaines fois, je vends des cornets de pistache, des pop-corn, des bonbons, des cinnoballs sur la place de la Victoire ou devant le cinéma. Pour être Potted Monev, il faut être patient et méthodique, savoir transformer une pièce de 1 euro en un billet de 5. Hier, peut-être que tu m'as tendu 50 cents parce que je venais juste de nettoyer la vitre de ta voiture au feu rouge de Bainbridge. Je fais aussi du repassage dans les villas en échange d'euros en espèces. C'est une des nouvelles, puisque c'est un recueil de nouvelles qui m'a interpellé, puisqu'elle porte aussi un regard différent sur des gens qu'on juge peut-être très rapidement lorsqu'on les croise dans la rue à Pointe-à-Pitre ou à Fort-de-France. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, j'ai voulu mettre en lumière les portées de manœuvre. En créole, ce sont les débrouillards. Les débrouillards qui, c'est vrai, très souvent, on a tendance à les juger rapidement, mais je vois qu'il y en a qui, même si parfois ils sont à la limite de la légalité, mais des fois ils travaillent sans fiche de paye, des fois ils travaillent dur, que ce soit sur les marchés, dans la rue ou ailleurs. Et très souvent, ce sont des gens qui auraient pu vraiment complètement basculer dans l'illégalité. Et je voulais leur rendre hommage en montrant que si ces gens-là n'avaient pas une force de travail, une conviction, une détermination, très souvent, ils auraient été complètement déboussolés et poussés aux marges de notre société. Moi, dans ma famille, j'ai beaucoup de portées de manœuvre. J'ai beaucoup de gens qui ont été des débrouillards des fois. Donc, quelque part, c'était pour les montrer et leur rendre hommage. Et je vois dans la lignée des grands auteurs, les auteurs afro-américains, les auteurs français, Sartre, Camus, Hugo, par exemple, Les Misérables. Des auteurs, les grands auteurs très souvent ont cette grande sensibilité. Même les auteurs africains, Ousmane Sembène, les grands auteurs ont cette sensibilité pour se pencher sur le petit peuple. C'est un livre qui a cette grande qualité, selon moi, de donner un visage à des gens qu'on ne met pas souvent en lumière, comme ce morceau Yoka Travail qu'on a écouté au début de ton interview. Donc, on n'aura pas le temps de citer toutes les nouvelles, notamment une qui est très forte, selon moi, qui est En coup de la geôle, un coup de prison, pour traduire littéralement, qui traduit en fait ce qui se passe quand quelqu'un est poussé à ses limites. Exact. Et en tout cas, je vous encourage à aller chercher, à commander ce livre « Sous le soleil de la dignité » de Steve Gadet. Et pour terminer, on va écouter un petit extrait. Est-ce que tu peux nous dire en deux mots quels sont les prochains projets? Enfin, même si d'abord à visage découvert, ce EP. Alors déjà, je veux te remercier parce que c'est rare de faire des interviews de qualité. Peut-être tu te dis que c'est pas grand-chose, tu travailles toujours comme ça. Mais c'est rare de faire des interviews comme ça, on me pose des questions aussi limpides. J'ai aimé ça. La prochaine actualité, c'est mon prochain livre, mon prochain recueil de nouvelles qui est prêt, qui, Dieu voulant, va sortir courant juillet, qui s'appelle « Homme d'argile » aux éditions Nestor. Merci beaucoup Fola, l'émission se termine, je vais annoncer deux événements puisque c'est spécial hip-hop créole, je rappelle que c'était la dernière de ce mois de juin dans Conelambi. Je vais annoncer deux événements organisés par deux membres du crew Bocaz, puisque sachez que le hip-hop créole n'est peut-être pas à la radio, mais il est sur le net, mais il est aussi dans la vraie vie, donc déplacez-vous. Ce sera le 5 juillet, vendredi 5 juillet, si je ne me trompe pas, dès 22h au Bliss Paris. C'est la release party de l'album de Jibrahil, donc le beatmaker du groupe Bocaz qui sort son album sur le label Noir City. Donc allez-y, c'est vendredi 5 juillet. Et également une soirée Paris-Pointe-à-Pitre organisée par La Gâchette. Ça aura lieu le 12 juillet, si je ne me trompe pas, c'est bien ça, je prends les infos, c'est au Miss Miz. Il y aura différents MC comme Mad Hero, Maj Traffic, La Gâchette, Phony, Cacophony qui fera un set beatmaking, également Dandy Gale, Ends, Yoka, Lautrec, Mélanine et La Clique, Exotique. Ça démarre à 20h jusqu'à 2h du matin, l'entrée est libre et après les lives de hip-hop, ça tournera en soirée avec notamment un set de DJ Phony, classique Zouk et compas, le 12 juillet au Miss Miz. On termine l'émission en écoutant Ancien MC de Fola. Alchimiste à la vie, parole et musique pour faire comprendre ça en quatre. Ancien MC, qui s'aille pour l'hip-hop à l'art. Et puis c'est vérité, on va venir compter yo, tout salade. Musique comme un miroir, on peut mettre devant Aouïe. Monte qu'est-ce qu'a fait poupé, changer c'est qu'a fait fournir conviction. Sinon, on va finir à terre. Soleil, G-Wiz, qu'a représente bon sénateur. Parce que le monde qui a compté si moi, même si y'a pas voté pour moi. Même si y'a pas connu, y'a le monde qui a coûté moi. Faut moi, vais remplacer ta on papa qui parti. En si à ti, mon amour, en prend inspiration. C'est les banches et la crise qui prend ma rédemption. En peut dire ça qu'a fait mon riz, dire ça qu'a fait mon père. Dire ça qu'a motivé moi, ça qui a enragé moi. Ça qu'a sorti en bouche moi, qu'on ascensé il a pour faire monter. Puis oh, c'est en style. Pas parce que mon connaît moi, mais parce que lumière l'éternel qu'a pris en dit de moi. C'est pour ça qu'on peut pas faire sans prier. Sinon, tout ça qu'a dit, on peut finir dans son drier. Et yo, aime qu'on mette à manioc, mon souffert ministre. C'est qu'on cérémonie, conférence, connaissance. On parle pas ou bien ou s'absent, yeah. On sait en MC, on t'attend, on lit en voix, mais voyons-y en moi, pas pour faire mon vrai, mais on sait en MC, militant et puis confiance. On sent la qualité pour nous faire escape et plus conscience. On sait en MC, alchimiste à la vie. Parole et musique pour faire comprendre ça en café. On sait en MC, disciple pour les pop là. Et grime c'est vérité, on va venir compter pour salade. Yeah. T'as la son vibe de luxe, en long morceau à Akuji. Two MCs and a microphone coming at you. Rah!